Elle servit un verre de Bourgogne aligoté de haute qualité à sa maîtresse. « J'ai soif, trempons nos lèvres, » dit la belle aristocrate, tout en saisissant les cheveux noirs de la soumise et plaquant sa bouche contre son sexe. Et en effet, toutes les lèvres étaient trempées. Toutes? Non.